Aujourd'hui, le 24 juillet, laissons. C'est un grand succès. Entrez le soleil, laissons entrer le 24 juillet 2023 entre nos deux oreilles. Hume la différence, mon ami, on la refait, OK? Aujourd'hui, le lundi 24 juillet 2023, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mes amis. Laissez entrer le soleil, laissez. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Over and over, I keep going over the world we knew once when you beside me, that inconceivable, that unbelievable world we knew when we two were in love, and every bright neon sign turned into stars, and the sun and the moon seem to be ours. Each road that we took turned into gold, but the dream was too much for you to hold. Now over and over I keep going over the sign turned into stars, and the sun and the moon seemed to be ours. Each road that we took, it turned into gold, but the dream was too much for you to hold. I keep going over the world we knew, days when you used to love me. Over and over I keep going over the world we knew. Bonsoir. Est-ce qu'on vous a... Ça commence pas mal, hein? Non, mais déjà, je vous dis bonsoir. Je suis un garçon poli. Ça va bien? Tout le monde va bien? Vous êtes prêts à 120 minutes d'incohérence? J'ai voulu m'en donner, là. Ça part mal, là. On dirait que le garçon... Le garçon d'honneur. Le garçon d'honneur sans la déshonneur. La démesure. Sans la démesure. Ben oui. À sentir la démesure, on ne mesure plus le résultat. Oh! Ça, c'était pas. C'est quand même bien, ça. Puis comme. Je sais pas.

Oui, de la tricotine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tricot, tricotine, on tricote. On est une gang de femmes, puis on tricote. Il y a juste deux gars là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils veulent, bien sûr, nous apprendre l'intelligence des femmes. Oh, mon Dieu, quel homme, quel deux hommes exceptionnels. Ah oui, ah oui, ah oui. Ça, c'est le mari de Gaétane. Hey, ce gars-là, là, il a tout donné pour sa Gaétane. Il a même acheté la voiture de, tu sais, ton émission, là, qui a lieu actuellement. Oui. T'as parlé d'une voiture ancienne. Ah oui, oui, oui, oui. À qui a appartenu cette voiture ancienne-là? Mon mari l'a achetée. Ah oui? Ça appartenait à qui? À un grand comédien états-unien. Un grand comédien états-unien. Vivant ou mort? Ah, malheureusement mort. Hein? OK. Il a joué dans quel film? Mais je peux pas vous dire... Non, mais je peux pas te dire ça. Mais il avait les yeux bleus. Il était tellement beau. Ah, oh, je le sais, c'est qui? C'est qui? C'est un comédien. Ah, non, non, non, non. Attendez, là, les yeux bleus. Ouais. Ouais, j'ai une idée, là. Il faisait quelle sorte de film? Ah, ben, il y avait des films d'action, mais des films très intelligents dans les prisons. Ah, oh, c'est Steve McQueen! C'est ça! C'est Steve McQueen! Bon! Êtes-vous contente? Très contente. Hey, j'ai la voiture de Steve McQueen. Depuis ce temps-là, je me couche en arrière. Ben, pas dans le coffre, là, mais en arrière, là, dans le banc en arrière, parce qu'il paraît qu'il rencontrait toutes ses épouses-là et il leur faisait des choses amoureuses. Ah, je vous propose la chance aux chansons, l'homme véhément, l'être extraordinaire, l'humaniste. Un auteur, un compositeur, un interprète, un homme de télé, un homme de radio, l'aide tout azimut, Didier Ouvrard, à toi mon ami. Thierry Leluron, qui n'avait pas un sou à un moment donné avant le Splendide, allait voir Coluche pour, ouais. Pour qu'il l'aide. Et il y avait un grand pot avec plein de billets de 500. Connais. Eh voilà, ah, tu ouais. Connais. Ça, c'est comme Barbara. Et c'est à discrétion, Barbara. Barbara qui avait une ligne téléphonique. Si tu souffrais en pleine nuit, si tu avais le spleen, tu pouvais l'appeler. Et c'est pas son agent de presse, son attaché de presse qui répondait, c'est elle. Marouani? C'est elle qui répondait. Aujourd'hui, dis-moi si tu as un numéro de téléphone d'un artiste que tu peux appeler pour discuter de ton mal-être. Elle qui faisait des spectacles un peu partout dans le monde, en France surtout, mais qui était connue et reconnue, avait tellement le côté humain. Elle était tellement humaine qu'elle était prête à accueillir. Elle était à vif. Elle était? Elle était à vif. Oui. Les veines étaient ouvertes en permanence. Regarde. Quand c'est le spectacle que je suis allé voir au Marie-Belle. Ça, c'est en quelle année? Même pas, à Châtelet. Châtelet, oui, oui, ben oui, Châtelet. Les disques, oui. Bon. Sous une tente, hein? C'était oui. Une tente, oui. Et là, avant, elle arrivait dans l'après-midi, très très tôt, pour habiter le lieu. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elle allait dans la journée dans une pharmacie, acheter des centaines de préservatifs. Oui, oui, oui, parce qu'elle était du sport, ouais. Oui, parce que déjà, oui. Elle avait une chanson pour le sport, ouais. Voilà. Et elle jetait des préservatifs comme ça sur scène. Et mais aussi, elle achetait des matelas pour les SDF qui étaient blessures dans la rue. Elle achetait des matelas, elle leur faisait livrer des matelas dans la rue. Et c'est... Elle faisait seule, carrément. Les gens, elle n'était pas systématiquement accompagnée de garde du corps. Elle faisait en toute discrétion. Ça gênait personne, personne ne la voyait d'ailleurs. Elle l'a remarqué parce qu'elle faisait des choses naturellement simples. Et c'était pas signé le Barbara sur les. Non, sur les Barbara marques, vous offre. Non, bien sûr que non. Non. Et quand je pense que Moustaki a quitté en frappant la porte, il lui a fait une chanson massacre sur On sait de quoi on parle. Oui. Oui. Quand une femme. On ne sait pas dans la vie privée aussi, ça devait être autre chose. Mais je te dis, ouais. Peut-être que son ego à lui était un peu trop prononcé. Oui. Mais, oui. Vous aimez bien le garçon quand même. Moi aussi. Mais qui n'en a pas d'ego? T'en as un? J'en ai un. Si on n'en a pas, c'est qu'on n'a pas d'estime de soi. Peut-être. Ouais. Pour aimer les autres, il faut s'aimer un peu plus. Ouais. C'est pas vrai. C'est vrai. digresser là-dessus, mais... Mais aujourd'hui, on n'en retrouve plus des personnes qui nous offrent leur numéro pour avoir un copain, une copine. Non. Appelle-moi si tu as un problème, mais dans les gens connus, il n'y a plus personne. C'était une époque. Dites-le-moi du bout des lèvres. Moi, je l'entends du bout du cœur. Moins fort, calmez donc cette fièvre. Oui, j'écoute. Oh, dites-le-moi doucement. Murmurez-le-moi simplement. Je vous écouterai bien mieux, sans doute. Si vous parlez du bout des lèvres, j'entends très bien du bout du cœur. Et je peux continuer mon rêve. Soit à mon oreille, tout comme le chant des abeilles. En été un jour au soleil, au soleil. Regarde dans le soir qui penche, là-bas ce voilier qui balance. Quelle jolie sa voile blanche qui danse. Je vous le dis du bout des lèvres, vous m'agacez du bout du cœur, vos cris me dérangent. Je rêve, venez donc me parler d'amour, à voix basse dans ce contre-jour, et faites-moi, je vous en prie, silence. Prenons plutôt au soir qui penche, à là-bas, ce voilier qui balance, quelle est jolie sa voile blanche qui danse. Je vous dirai du bout des lèvres, je vous aime du bout du cœur. Et nous pourrons vivre mon rêve, mon rêve. Ouais. Aujourd'hui, ils vont dire, c'est un problème, tu me téléphones, mais t'as pas leur téléphone. Ils te le donnent pas. Ou ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas. Oui, tout, c'est ça. Ou alors, qui est là? Je vais voir. Allô? Je vais te rappeler, ça sera pas long, ils te rappellent plus. Donc, c'est à double tranchant. Ouais. Mais ce travail de nuit, est-ce que ça t'a appris à apprivoiser la nuit? Non, en fait, ça m'a fait l'avoir différent. Moi, mes nuits, c'était mes nuits de folie dans les années 80-90, en boîte, voilà. On s'éclate. On se fait éclater. Bien sûr que oui. Et puis, il y a aussi les nuits de travail, c'est-à-dire... le spectacle, le show, les revues, les filles, changement de costume en coulisses, présentation, enfin, c'était tout ça. Donc la nuit, évidemment, là, elles sont évidemment différentes. C'est deux faces de la même pièce. Les nuits peuvent être incroyablement longues et lourdes, peuvent être légères. Tu dors pas? Non, moi, non, je dors pas là. C'est quoi, c'est de 23h jusqu'à 7h? De 21h à 7h. Oh, c'est long. J'ai 10h. Alors quand tu arrives chez toi, tu es fatigué? Non, je suis plus fatigué. Tu dors pas? Je suis en pleine phase de réveil. Enfin, mon corps réveille, mais... Tu dors, arrives-tu à bien dormir? Non. Non, hein? Là, tu es rendu insomniaque même quand tu dois dormir la nuit? D'abord, on vieillit beaucoup plus vite. Le corps vieillit plus vite quand on travaille sur un très très long terme que la nuit. 33%? Oui. Ah ben voilà, bon. Ah, tu le sais, tu l'as appris. Oui, ben, ça faisait partie de ma formation. Ouais. On meurt plus jeune. Ouais. Tout ça est intégré, mais bon, voilà. Il me reste 6 mois, j'ai tranquille. J'y vais heureux. Il te reste 6 mois? Ouais. Ah, c'est des contrats? Non, mais j'aurai 62 ans le 14 février. Après, tu te lances dans les églises? Après. Dans les églises, c'est quoi de dire? Ah, 6 mois? Et alors, ouais. Et après, je vais bourrer les églises. Ouais. C'est ce que m'a dit le curé de mon village. Tu vas faire comme 15 mots, tu vas dire si c'est pas moi qui étais bourré, c'était l'église. Oui, mais c'est... oui, oui. Le curé, je sais pas quoi. J'en ai vu Laurent Boulzy, il me dit un père Paulin est malgache. Il me dit je vous ai fait dire un petit mot quand même. Au début du spectacle, une église, c'est quand même particulier, il faut un peu poser le cadre, ça serait bien. Je ne connais pas, alors vous allez faire une chose très simple, en arrivant sur scène, vous allez dire, vous l'aurez remarqué, je ne suis pas Laurent Boulzy. Et donc, ça a fait un triomphe dès le départ. Et après, il dit, mais c'est bien, je vais vous prendre pour écrire mes sermons. Non, ouais, c'est bon. Et le lendemain, il a refait la même chose pour le deuxième spectacle. C'était plein, elle me dit, mais il en faut d'avoir. Tu emmènes tout, plein, j'en veux plein. Ah, on va c'est... vous bourrer l'église, ouais, mon père. Ouais, ouais. Est-ce qu'il est mieux avec ses musiciens? Laurent? Oui. Ah, mais, ils ne font qu'un. Ils sont combien? 3, 4? Ah, combien? Ouais. Deux, et lui. Et son clavier, Michel M. Salem, et puis une jeune fille que l'on croit irlandaise, mais qui... Et ch'ti comme tout le monde. Et très jolie voix. Elle est à la harpe. Elle fait la deuxième tonalité sur les chants de Laurent. Elle fait aussi un duo avec lui, puis une chanson seule irlandaise. Beau. Elle est à la harpe et son clavier. Et ça accompagne tout ça, la chanson de Woolsey. C'est un répertoire magnifique. Il finit avec Rock'n'Roll Connection. On ne le fait pas. Ah, il ne le fait pas. Oh, oh. Alors. Si l'église entière se met debout et disait Rock Collection, ouais. On peut le faire. Okay. Non, non, il a monté ce répertoire qui est très beau avec son dernier album Jeanne. Là, là, il a... tu vas arriver à l'intro. Waouh, wow, ouais, wow. Ouais. Et moi, deux fois plus, maman s'appelait Jeanne. Je la voyais là, devant lui quand il commençait l'intro. Je dis oh la merde, c'est beau. Et. Donc voilà, c'est lui sa voix gentille, douce, rassurante, il explique. Ce genre de fil invisible tendu qui est maintenant entre vous et moi, entre vous et vous. On sort de ce spectacle chargé. Ouais. On est chargé émotionnellement, on a envie d'embrasser tout le monde. C'est incroyable, c'est un vecteur invraisemblable. Donc c'est puissant. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et surtout voilà. Dans ces moments-là, on sortait en plus de la pandémie. Oui. Ce qu'on voulait, c'est se rencontrer oui. Dans un lieu. On voulait surtout oublier tout ça. Et ouais. De nous dire, on est enfin ensemble et on va prendre notre plaisir. Oui. Il y a eu ça, un esprit de communion, en fait. Ouais, ben, dans une église. Oui, dans une église, on ne pourra pas faire mieux. Ouais. En tout cas, ça se présente bien, oui. Est-ce que tu peux nous parler, parce que durant notre rencontre, il y a 10, 11 ans, je ne sais plus, tu avais parlé d'une émission spéciale que tu as fait à la Chanson Chanson avec Charles Trenet. Oui. Alors. Parce que c'est un personnage. Voilà, quelle personnalité. Alors, enfin, souvent aimé, souvent mal compris. Oui. Pourquoi mal compris? Parce que l'homme parlait toujours au quatrième degré, quoi. Traînait ce lit à plusieurs étages, ouais. Tu vois. Alors, là, pas très loin d'ici, à Montmartre, comme Mitterrand fut élu en 81, Pascal, qui était un ami, un régulier, faisait partie de la cour d'un des cercles concentriques de la vie de Mitterrand, on va dire. Avec des artistes. Et avec Dalida, tout ça, Roger Hanin, Charles Trenet, Jacques Lang. Avec qui Jacques Lang, il avait organisé quelque chose pour que Charles Trenet ait enfin la Légion d'honneur. Oui, oui, oui. Toi. Oui. Donc, un jour, on fait venir Trenet pour ses 80 berges à l'émission. Ça, c'est la fois la plus épique que j'ai vécu avec lui. Et quelques dîners mémorables aussi, qui commencent à 15h et qui finissent à minuit. Mais ça, on vide du vin aussi, on boit, on mange, on a du plaisir, on chante. Complètement. Eh bien, tout ça en dégommant deux bouteilles de Cointreau. Ouais. Et il nous fait... Alors, je te raconte laquelle? Celle de Montmartre ou celle du plateau? Parce que les deux sont énormes. Alors, voilà, il arrive. Pascal organise un dîner chez lui, un petit comité intime. C'est-à-dire, il y avait 40 voitures de flics, parce qu'il y avait Mitterrand, quand même. Heureusement que c'était discret. Le président, chez Pascal, rue Gabriel, oh, pas, ouais. Pas loin. Il avait un appartement qui fut à l'époque l'atelier de Picasso à Montmartre. Il y a une plaque. Rue Gabriel. Et tout ce monde-là arrive. Charles Trenet est invité, mais en retard. Il arrive avec un skinhead. Oui. Un skinhead. Avec une crête, ouais. Et tout ça. Et le garçon partait faire son service militaire le lendemain. Il y avait quand même là juste le président de la République, Et Trenet dit, j'ai rencontré ce brave jeune homme, il faisait du stop. Je lui ai dit, viens, nous allons dîner chez quelques amis. Le gars qui ne comprenait rien à ce qui lui arrivait, il est rentré dans la voiture de Bentley, dans la Bentley de Trenet, et puis il y avait le président de la République, tout ça. Il présente son ami, Wilfried, je ne sais pas, à tout le monde. Mais il dit, je vous présente Marc. Et donc, pendant le dîner, le garçon se faisait appeler Marc. Mitterrand demandait de se retourner vers lui. Et vous, mon cher Marc, qu'en pensez-vous? Et le garçon s'appelle Wilfried, quoi. Et tout le monde l'appelle Marc. Et à la fin, n'en pouvant plus, le mec dit, mais mon prénom, c'est Wilfried. Il traînait, lui, rétorque. Tout ça pour ça. Oui, mais Wilfried, c'est une belle image de Marc. Et elle pouvait faire attendre la fin du dîner pour pouvoir sortir en son truc. C'est fou. Alors, un jour, on l'a vu sur l'émission, pour ses 80 ans, il voulait, il dit, je chante très bien la mer, mais il faudra quelques matelots, vous comprenez. C'est drôle. Alors, je lui ai dit, je voudrais des accordéonistes avec des marins, des polos marins, tout ça. Tant que je trouve les quatre bombes, quatre champions du monde, répéter la mer, tout ça. Oui, on va la faire ou pas, je ne sais pas. Les mecs avaient bossé pendant des jours ouais. Sur ce putain de partition. Et tout à coup, mes quatre gars, ça mettent le pull marin, l'accordéon, donc les bras nus. Il y en avait un qui avait des tatouages. Charles Trenet descend du plateau. Vous avez un beau tatou. Et là, Charles Trenet, je vais vous montrer le mien. Et il enlève sa veste et il me la confie. Je mets sa veste là, sur mon bras. Et regardez-moi mon tatouage. C'est ça, c'est un encre de marin que j'ai fait tatouer en 35. J'étais à New York. À New York. Et voilà, il explique l'histoire de son tatouage. Là-dessus, Tintin, notre réalisateur, dit, Charles, on est prêt pour la chanson. Donc il va se mettre en place. Charles, vous chantez sans veste. Oh, ma veste. Oh, ma veste. Pour te dire, il y avait dedans en liquide son salaire. Ouais, ok. Je ne savais pas moi-même. Bref, c'était comme... C'était épais. D'accord, j'ai compris pourquoi. Et je rends sa veste, il me dit, oh, j'en ai eu... J'ai eu le cœur qui battait. Cette veste, pour moi, a tellement de cachet. C'est là, putain. Mais ça, on était deux à le savoir. Non, maintenant. Alors, la gang était lancée. Et toi, t'as envie, j'espère. Oh, mais évidemment. Ouais, ouais, c'est trop bien. Ouais, j'y vais. Quelques mois, je l'aimais de toute mon âme, mais il m'a quitté sans savoir pourquoi. Il a brisé mon cœur de femme, et depuis je vais partout où l'on boit, dans toutes les maisons où l'on soupe. Je sors tous les soirs, espérant le voir, et le champagne emplit ma coupe. Quand je suis grise, je dis des bêtises, j'amuse les gigolos. Comme les copines, je me morfine, ça me rend tout rigolo. Je prends de la coco, ça trouble mon cerveau. L'esprit s'envole. chagrin s'enfuit tout loin, je deviens folle. Hier au soir, comme tous les soirs précédents, je sablais encore le champagne lorsque j'aperçus mon ancien amant avec sa nouvelle compagne. L'orchestre jouait un brillant tango, dans ses bras il tenait sa belle. Et moi sur la table j'ai pris un couteau et ma vengeance fut cruelle. Oui, j'étais grise, j'ai fait une bêtise, j'ai tué mon gigolo devant les copines comme une coquine. Dans le cœur j'y ai mis mon couteau. Donnez-moi de la coco pour troubler mon cerveau. L'esprit s'envole vers le Seigneur. Mon amant de cœur m'a rendu folle. Il avait aussi une fleur. Oui. En plastique. Oui. Un œillet rouge. Ouais, un petit clin d'œil, hein. C'est incroyable. Oui. Ouais. Elle en dit, j'ai chanté une chanson d'hommage à Johnny, qui était son duo. Johnny et Charlie Johnny, tu vois. Au début de carrière, ils chantaient à deux. C'était son compagnon de l'époque. Et Johnny a l'idée? Non, un certain Johnny. Ok, non, non. Ok, ok. Charlie Johnny, tu vas trouver ça. Et il avait. À quelle année? Ah, 35-40? Oui, okay, c'est avant okay. La guerre. Okay. Johnny est mort très vite, très jeune. Et Charles avait fait une chanson en hommage à Johnny. Mais il dit, j'aimerais bien pour la chanter, cette chanson-là. Pas de micro. Je voudrais la chanter dans un bouquet de fleurs. Qui serait un micro. Mais des fleurs en plastique. Hein. On n'avait pas, c'était un samedi après-midi, on tournait. Et là, Pascal me dit, trouve-moi un bouquet de fleurs en plastique, si tu veux. Va sur les plateaux d'à côté, il y avait Thierry Beccaro qui tournait, d'autres émissions. Donc je suis allé sur le plateau de voisin, j'ai volé un bouquet de fleurs en plastique pour que Trenet puisse avoir un micro et chanter son hommage à Johnny. Mais ça devait être particulier. Incroyable. Mais il faut être un, mais c'est un joueur. Je ne prenais pas au sérieux. Tu dis, mais je suis à côté de ce mec, mais c'est génial. Qu'est-ce que je... Non, mais lui, il n'y a pas d'ego. Mais... Non, tout est sans fuite, il peut tout se permettre. Mais dit avec une finesse, une délicatesse. Yvette Horner, un jour, vient sur le plateau avec lui. Il me dit, c'était pas la meilleure des accordionistes. Yvette me met Horner. Non, tu l'aimes pas, alors. Me met Horner. Mais les termes aussi, c'est unique à Trenet. Il a inventé un lexique, il a inventé des blagues, il a inventé oui. La la métaphore. Il a réinventé, avec Mireille, du petit conservatoire, ils ont réinventé la nouvelle chanson française. Ils l'ont fait swinguer. C'est fou tout ce qu'il a pu... J'ai réécouté il y a deux semaines avant de venir ici, National 7. Oui. Ça a tellement bien vieilli. Puis même, il y a des groupes punk actuellement en 2022 qui l'ont... Puis bien sûr. Ça sort très bien. Oui, ouais, quand les chansons sont bonnes, elles sont immortelles. Quand la chanson est bonne. C'est comme la photo à... la photo est bonne. Quand même de ce jeune homme. C'est ça. Mais c'est Barbara. Ça. Mais Trenet, c'est aussi le... La joie de vivre, c'est pas l'opacité, c'est pas l'homme torturé, Peut-être un peu torturé, mais ce qui l'avait torturé, il le rendait si bien en chanson. Ouais. Parce que lui, la police, c'est quelques soucis au début, l'homosexualité, ça n'a pas été très simple. On lui a prêté des choses pour lesquelles je n'ai pas à être juge, parce que il a quand même été en tôle, quoi. Ça n'a pas été très simple. Alors dans ces chansons, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens de la marée chaussée, beaucoup de gendarmes, beaucoup de fantômes. Et voilà. Il règle, quelquefois il règle ses chansons. Bien entendu. En finesse, tout en finesse. Toujours. C'est ça l'intelligence. Ouais. Grand personnage du bord de Marne. Mais quand il est mort, ça a quand même creusé un fossé dans la musique. Un peu comme quand Truffaut est décédé en 77, ça a créé au cinéma un vide qui a pris du temps. Un vide abyssal, mais voilà, et on attend toujours le second, mais il n'arrive pas. Non. Il y a beaucoup d'imitations, quoi. Elles sont pâles, les imitations. Ouais. Dans ces cas-là. Ouais. Mais c'est ainsi. Un autre génie arrivera sur un autre thème, et il va nous éblouir. Il a laissé à grignoter pour quelques générations. Ouais. Oh, oui. Là, c'est un petit peu le passage à vide. Il y a aussi. Ça reviendra à la mode. Ça revient tout ça. Est-ce que tu suis encore de près les nouveaux chanteurs, les nouveaux accordéonistes, les nouveaux. Les accordéonistes, malheureusement, il n'y en a plus. Pourquoi? Il y avait tant qu'il y avait une émission qui motivait la situation chez Sevran. Un accordéoniste comme Maurice Larchange, qui lui-même avait inventé des nouvelles générations, qui s'appelle les générations musettes, qui a mis sur pied il y a 30 ans les générations qui aujourd'hui en ont 40-50 et qui jouent, et qui sont champions du monde et qui sont des bêtes de scène. Donc, j'écoute l'accordéon, mais avec moins de plaisir. Beaucoup, okay. beaucoup Parce moins de plaisir. Parce que la mode est passée, le temps est passé. Voilà, il faut aussi savoir soi-même. Sur remettre en cause ça. Mais les chansons m'émeuvent toujours autant. Souvent, je vais chercher. Il y a un titre qui me rappelle. Ah oui, c'est vrai. Et je me remets dans la situation. C'est tellement facile. Allô Google. Et tu reviens si vite. Et si les chansons parlent. J'aime bien parler en chansons d'ailleurs. Écris-tu encore des chansons? Parce que tu en as quoi? Au moins 200 dans ton. Oui, 163 à peu près. Oui, je suis étonné. Je suis étonné là encore. Bon. Est-ce que tu les as. Ça sait. Est-ce qu'il y a les droits d'auteur? Oui, oui. Okay. Oui, oui. Je suis toujours étonné. T'as une chanson sur le dimanche? Un dimanche à la guinguette. Ah, je te connais, hein, je connais. Oui, merci. J'en avais écrit une pour Patrick Fury. Est-ce que tu veux retourner à l'écriture? Peut-être, mais il faudra. Ouais, oui, oui. Voilà, j'en ai une quarantaine de commencés. Okay. J'appelais ça, je mets ça dans un thème qui s'appelle Chanson en chantier. Ah oui, okay, oui. On peut en mettre comme on veut. Hein. Ah oui, mais j'ai vu qu'une rime me plaise, voilà, ça va être l'accroche du truc. Okay. Mais... Après ça s'arrête. Mm. La motivation n'est plus. Il faut trouver le reste. Oui, puis très vite, tu dis à qui je vais la donner, quoi. Ouais, c'est ça. C'est bien de l'écrire, mais il faut que ça serve. Ouais. Toi, chanter, non? Non, malheureusement. Heureusement pour la chanson. J'ai essayé. Ouais. Affreux. Je me suis amusé à ça. Mais deux chansons sur deux titres, oui, maintenant, c'est pas. Non, non. Je préfère faire chanter les autres. Mais as-tu pensé à un moment donné de nous offrir ça dans un livre? Non. C'est sympa ce que tu me dis là. On me l'a souvent demandé. Non. Toutes les anecdotes, je les sers à mes amis. Il y a des gens qui ont envie d'en connaître un peu plus, ce fut le cas hier soir par exemple. Et quelqu'un qui était très curieux de la vie de Sevran, qui l'avait. Ah non, non, mais c'est pas ça que je voulais te demander. As-tu pensé de mettre en livre les chansons que tu as écrites? Ah oui, non. Ah oui, faire un recueil de. Non. Oh, jamais. Oh non, même pas. Non. Pourquoi? Parce que les chansons sont faites pour être chantées et pas pour être lues. Ah, ouais. Il faut la musique avec, ça ne veut rien dire. Ouais. Donc voilà, puis je suis pas. Je ne suis pas Barbolivien ou Bernard Dimet. Bernard Dimet, on peut le lire en poème parce que c'est une poésie. Ici à Montmartre, on peut en parler de Bernard Dimet, n'est-ce pas? Mais là, c'est sa fille qui prend un peu la relève. Hein? Dominique, oui, je crois quand même qu'elle la laisse un peu parce que Dominique a énormément chanté son père. Elle a fait comme ça, elle est très très bien. Oui. Mais il faut aussi être un passeur quand on est de la même famille. C'est une obligation. On ne peut pas laisser un géant s'en aller aussi vite sans. Non. Surtout quand tu as moins la. On va pas avoir l'outrecuidance de laisser passer ça. Quand tu as eu l'honneur de vivre à côté d'un monstre. Ah ouais. Quel monstre, mon père, elle peut le dire, quoi. Ce qu'il a écrit, c'est. Mais François de Guelte, on parlait tellement bien de son ami Bernard Dumais. Tellement bien. crois-tu qu'il a été reconnu à sa juste valeur, un peu comme... Non, non, c'est un poète maudit. Comme Alain Leprest? Oui, voilà. Eh oui, Alain, ouais. Grand bonhomme. Waouh, waouh. Grand bonhomme. Ouais. Avec une voix unique. C'était un Brel. Oui, oh, oui, oui, oui, un Brel. Il y avait du Brel chez ce gars-là. Ah, oui, oui, il n'aimait peut-être pas qu'on le lise, mais ça, c'était... On l'a, on l'a invité Bell, un de ses disques qui s'appelait « Donnez-moi de mes nouvelles ». Oui. Donnez-moi de mes nouvelles. Oui, oui. Il était plus branché sur lui, donc on, il demandait à ses proches. Oui, oui, oui. Ah, c'était tellement bien écrit. Qu'est-ce qu'on dit de moi? Une plume unique. Oui. Un peu comme Philippe Léotard, un... chanteur. Mais exactement. Même plan. Au même plan. Ouais. Est-ce que la chanson est encore aussi vibrante qu'avant ou on est rendu dans un tournant où c'est la chanson et non pas le disque qui prend le dessus? Après tout, je m'en fous. Il y en a qui courent derrière les petits trottins. Moi, je galope sur les marchands de vin. Je suis très heureux quand je tiens une piqûre. La regarde-moi et je trouve ça plus nature. Ah non, plus beau, trinquant. Vivons encore, tin, tin, tin, tin. De ce joyeux voisin bourgogne. Et jusqu'au jour, tin, tin, tin, tin. De vin, je veux rougir ma drogne. Vivons toujours de ce bon vin, flou, flou, tin, tin, tin, tin. Vivons encore du vin. Je suis populaire dans le quartier Montparnasse, où j'habite avec ma chasse moitié. Tout le monde rigole lorsque dans la rue je passe, on m'a surnommé le roi du métier. Mais chez moi, quand ma femme fait du pétard, qui dit ta bouche, ferme ça, tête de lard. Si au contraire, elle trouve ça très mignonne, qui offre de suite un vin blanc à la gomme. Allons, buvons, trinquons. Buvons encore, tin, tin, tin, tin, de ce joyeux vin de Bourgogne. Et du toujours, tin, tin, tin, tin, le vin, je veux rougir ma drogne. Buvons toujours de ce bon vin. Glou, glou, tin, tin, tin, tin. Buvons encore du vin. Elle est vibrante, je pense que les jeunes d'aujourd'hui qui ont 15 ans aujourd'hui et qui s'amusent, qui écoutent de la musique, beaucoup plutôt de la musique que de la parole, mais un jour. Je reviendrai, peut-être que les paroles les intéresseront. Donc, oui, faut être positif. Faut être positif, tout ça n'est pas mort, tout ça est différent. Tout ça est différent. Mais on ne va pas regretter toujours de ne plus entendre, s'étonner, de ne pas entendre Colette Renard partout, tu vois, ou d'autres. Voilà, il y a des générations extraordinaires. Hein. Armanet. Tu parles de Gianni, tout ça, mais c'est des générations très très belles et très bonnes. Tu parles de Paulette Renard, c'est une chanteuse qui ne pourrait plus être diffusée aujourd'hui. Non. Non. Mais non. Tu as raison. Le discours est beaucoup trop. C'était une interprète extraordinaire. Hein. Non, mais trop abrupte, trop. Sans compromis. Ah oui, elle, le personnage, oui. Les chansons, on peut pas, on peut pas... Elle est intransigeante, mais elle aimait les bons textes aussi. Oui, elle savait les, mais voilà, la grivoiserie qu'il y avait à l'intérieur, c'est pas du Bobby Lapointe. Non. Ouais. Bobby Lapointe, c'est autre chose. À Bobby Lapointe, il était plus accessible. Oui, mais il fallait suivre. Hein. Oh oui, il fallait suivre, oui. C'était deux minutes bien chargées. C'était comme un... Comme un Nougaro, il fallait le suivre aussi. Les jeux de mots étaient toujours là. Ouais. Ce n'était pas rien. Hein. Ouais. Au bout de la pointe, j'ai jamais hyper adhéré, mais c'est comme un ricé barrié. Ah oui, ah, oui, oui. Ça, Saturnin. Ah, ça y va, ouais. C'est extraordinaire. Les spermatozoïdes. Oui, bien entendu. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et puis, c'est le printemps. C'est le printemps. Ah, ouais. Ouais, oui, oui, oui. Là, le printemps. Là, le printemps, c'est ça. C'est le printemps, c'est Pierre Perret. Oui, oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Non. Et il y a aussi le printemps de Léo Ferré. Oui. Ouais. Le printemps a inspiré beaucoup de... C'est une chanson qui a beaucoup... Enfin, c'est une saison qui a beaucoup inspiré. Oui, oui. Et c'est la Renaissance. C'est la Renaissance. Ben, en parlant de la Renaissance, j'ai 10 questions à te poser. On va voir où ça va nous mener. Oh là. C'est rigolo. Si tu étais un liquide... Oui. Ah, lequel je serais? Celui que je suis en train de préparer chez moi en ce moment, qui est en train d'infuser. De c'est la chartreuse. Ah oui? J'ai découvert ça. Et tu fais ça toi-même? Oui, mais pendant les manières faites dans l'abbaye là-bas, quelque part dans les Alpes. Oui. Il y a une plante qui s'appelle la chartreuse. Et au lieu d'avoir 500 plantes, ou je sais pas, dans la composition initiale, juste ça, un peu d'eau, de sucre, de l'eau de vie, tout ça, et infuser 20 feuilles de chartreuse. Mais le goût, j'en ai goûté plus avant de partir là. Mais. Ça prend, ça ressemble de la... Mais le niveau d'alcool? Ah ben j'ai mis de l'eau de vie de mes pommiers, de ma dernière école, parce que j'ai vendu la maison. Mais c'est 55 degrés. Et alors quoi, c'est à peine un verre? Ah oui, c'est ça. Faire un petit canard à la fin du repas, tu vois. Non, mais ça dégage les voix. C'est magnifique. Non! C'est ça, ouais. Tu peux faire tes vocalises. Oh, tu rougis. C'est un peu comme en train, hein, oui. Y a de la soupape. Si tu... Et puis tu fais ça toi-même. Si. Tu fais ça toi-même. Je le fais moi. Oui, parce que voilà, il y a. Et tu les mets en carafe, tu les mets en bouteille. Non, pour moi, la consommation amicale et personnelle, j'ai pas. Une fois qu'il est prêt, tu le mets en bouteille. Je le mets en bouteille. Ben, c'est la première fois. J'ai découvert ça il y a un mois. Et là, ça donne combien de bouteilles? Ah, j'ai mis la valeur d'un litre. Ok. D'un litre d'eau de vie plus le. Non, mais tu peux le pas prendre. Et un peu d'eau, je vais pas. Tu peux pas prendre une cuite à ça. Ça, c'est fou là. Ah non, tu meurs. Ouais. Tu meurs, tu peux pas. Ouais, ça non, peut c'est être juste, un suicide. C'est le bouquet final. Non, c'est... Ok, une fois que tu as bien bu, tu as bien mangé, ouais, c'est voilà. Comme une menthe fraîche. Oui, un pouce rapière. C'est un pouce, ouais, c'est ça. Ça descend tout le truc. Ça va brûler. Oui, c'est ça. C'est un peu comme un jus de citron. Ça, oui. Ça nettoie. Tout à fait. Ouais. Ah oui. Le jus de citron est très bon pour nettoyer. Mais ouais, alors, ouais, tu prends le jus de citron après. Oui, c'est ça. Ah, tu bois ça le soir avant de te coucher? Ouais. Dans un peu d'eau tiède. Ouais. C'est très sain. Peut-être même un peu de miel? Oui, là oui. Ouais. Ah, ouais. Si ça te refait la voix. Ah oui, mais c'est intéressant de faire sa propre eau de vie. C'est vrai, c'est vrai. Si tu étais une ville? Une ville? Allez, Paris, évidemment. Quel arrondissement, plus précisément? Ici? 18e. As-tu déjà habité à Paris? Oui, longtemps. Combien où? À quel endroit? Dans le 13e. OK. Et ici, deux appartements dans le 18. Oui, dans le 18e. Ah, ouais. Alors, tu adores le 18? J'adore, oui. Ouais. Parce qu'il y a mon marque au centre, quoi. Alors, quand je t'ai dit ici, tu étais aux oiseaux comme. Oui. Ouais. Ah, bah oui, j'étais très content. Ah, ben bon. C'est comme si tu me disais, viens dîner à la maison. Ah, oui, c'est ça. Si tu étais une langue. Une langue de pute? Ben oui, on est à côté. Hein. Mais il y en a moins de pute depuis le retour de la fin de la COVID. Oui, peut-être que c'est, je sais pas, j'y vais peu. Hein, donc. Non, mais j'en ai pas vu. Ou j'en vois très peu. Oui, promène-toi plus tard le soir. Quand non, je sais pas. Non, hier, il était 23 c'est ans. Possible, ouais. C'est quand même très tranquille. Ouais. Oui, mais c'est très propre maintenant, c'est plus crade comme c'était il y a longtemps. Ouais. Puis qu'elle est belle. Ouais. Si tu étais une langue. Une langue de pute, j'ai dit. Ah, une langue de pute, bah, ou la mienne. Oui, c'est, mais si tu étais une époque. Ah, une... Waouh. Ouais, c'est long là, parce que. Mais non, on prend pas. Du tac au tac, la mienne, parce qu'elle m'a été facile à vivre. Comme. Non, je ne suis pas forcément. Non. T'es pas nostalgique. Non. Non, je. Non. Celle-ci, la mienne, ouais. Si tu étais un mot. Pourquoi tu ris? Quel mot t'as eu en tête? Vas-y. Connasse. Non, mais on est toujours. J'ai souvent joué dans mes conversations. Oui, alors laquelle? Non. Non, mais le mot qui t'a fait rire, c'était quoi? C'était lequel? Bienveillance. OK, bien, OK. Je déteste ce mot. OK. Il est plein de mauvais sens, de contrefaçon. Ouais. Ça dégueule la guimauve, la bienveillance. Ouais. Voilà. Alors, c'est ce mot-là que tu veux garder? Je l'aime pas. OK. Mais celui que si tu voudrais être un mot, si t'étais un mot, ça serait pas bienveillance? Non. Un mot qui traduirait comment je suis maintenant, heureux, serein, la sérénité. Ben c'est vrai que tu as l'air resplendissant. Enfin posé. Non, mais tu n'as pas l'air, tu es resplendissant. Si tu étais, mignon. Ben oui, c'est vrai, si tu étais un aliment. Un aliment, eh bien, des pâtes. Ah oui, oui. Ça, toutes les sauces. C'est quoi de le dire? Si tu étais une saison. Une saison, ah, l'hiver est magnifique. L'hiver. Quand t'es passé au Québec, c'était le printemps ou... C'est... Oui, sinon c'était... L'été indien. L'été indien. OK. En septembre. Vous êtes passé en septembre. Oui, mais un peu loin d'ailleurs. Donc c'était limite la fin. Ouais. Les couleurs sont merveilleuses. Hein? Oh, on parle pas. Mais Québec, c'est le fleuve Saint-Laurent. Non, j'en suis fou. J'ai plein de photos. Ah ouais. On s'y malade. Ouais. J'y retournerai. Hein. Si tu étais... Ah, puis... comment qu'elle s'appelle, donc... Fabienne Thibault va se retrouver sur un album hommage à Alain Bachung. C'est très bien. Elle fait beaucoup de choses, Fabienne. Avec Boris Bergman. C'est incroyable. C'est Boris Bergman qui lui a demandé. Oui, mais je suis pas étonné. Tu l'as croisée, Fabienne, récemment? Non. Mais elle a plein de projets. C'est une femme qui avance doucement, mais qui va loin. C'est vraiment... Elle a voulu aussi se sortir des années 90 un peu. Elle a essayé parce que les années 90 ne lui ont pas été particulièrement favorables et gentils avec elle. Hein. C'est comme Diantel. Donc, oh là là. Ouais, quel talent, cette Diantel. Ouais. Elle a fait une tournée il n'y a pas si longtemps, il y a 4-5 ans, chez nous, piano-voix, guitare-voix. Mmh. Et. Acoustique. C'est non? Ah ouais, je serais le capitaine. Elle en a plein. Si tu étais un membre corporel. Un membre corporel, je ne sais plus trop, parce que vous savez, à mon âge, mon ami, au niveau du musculaire, tout ce qui était dur devient mou, ouais. Et tout ce qui était mou devient dur. Alors, je serais content. De bons genoux. De bons genoux, oui. De bons genoux. Ouais. Mes genoux. Je serais des genoux, c'est important. Ou des coudes. Il y a énormément de... Ce sont des... C'est vrai. Des passants, des ouais. passages. Ouais. Si tu... Non, mais tu as raison. Si tu étais à un moment de la journée... Ah, moment de la journée, le réveil. Réveil, ben d'abord, sans tenir compte de mon rythme physiologique. Ok. Normalement, le matin. Le matin, un matin normal, je me réveille avec le soleil, je mets mes chaussures et je vais marcher 2 heures. Et tu te couches à quelle heure? Assez tôt, relativement tôt. Avant 22h? Avant 22h, avant minuit. Ok. Avant minuit, ouais. Si tu étais un autre individu? Un autre individu? Oh mon Dieu! Un autre individu? Waouh! Ce serait quelqu'un que j'aurais aimé être sevrant. Ah ouais? Jusqu'au bout, même si sa vie a été écourtée? Oui, mais pour l'instant, elle a vécu plus longtemps que moi encore. Ouais. Je suis pas encore, ouais. Je suis pas encore dans la ronde des clous. Il est mort à 65 ans et plus. Il est mort, oui, c'est 25, ah ouais. 7, ouais. Ah ouais. Donc, il me reste encore 3 ans. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà, la vie... parce qu'il est un exemple. C'est un exemple de quelqu'un qui est vraiment parti seul. C'est arrangé pour être toujours devant quand il y avait une photo à prendre et il y arrivait, quoi. Ouais. Mais il s'est imposé, Il a réussi à ça. Donc, ouais, mon modèle, oui. Et pour revenir au membre corporel, tu voulais dire un phallus, sans doute. Et, pas du tout. Et, non, mais il y a une vieille blague. Non, parce que durant ce temps-là, j'ai dit, c'est vrai. En même temps, ça m'arrangerait. Oui, mais je pourrais choisir la taille. J'avais un vieux gag que là, j'essayais de retrouver dans mes tiroirs de l'imaginaire. Et j'avais une blague sur Molière. Molière disait, Molière dure aujourd'hui. Oh oui! Ah, ça c'est moi, c'est ma blague. Alors j'ai voulu la dire, c'est une vieille blague que je disais avant, pour tout et pour rien. Bien placé. Ah ben merci. Alors, un peu déplacé. Ah, oui, non. À choisir, est-ce que. Non, si tu étais une phrase. Une phrase? Oui, soutenir le premier que je viens de m'offrir. Le cœur y aurait et l'âme émue. Toute la journée, je continue à siffler de piquant. C'est un apéro de roi qui donne tout à la fois la tendresse. L'ivresse, la couleur et la gaieté, l'appétit, l'ébriété, et j'ai toujours dans mon verre cet amer salutaire. Il me donne parfois même la gueule de bois. Quand je prends un piquant, le second est pour soutenir le premier que je viens d'offrir. Le cœur y aurait et l'âme émue. Toute la journée, je continue à siffler des piquants, plus belle que celle des fleurs et sa divine couleur. Une merveille, sans pareille, et son exquise senteur fait si bien griser mon cœur, et j'ai toujours dans mon verre cet amer salutaire. Il me donne parfois même la gueule de j'en prends un second. Le second est pour soutenir le premier que je viens d'offrir. Le cœur y aurait et l'âme émue. Toute la journée je continue à siffler. La plupart du temps, quand on a 75 ans, pourvu qu'on ait un verre de vin blanc de temps en temps, même un Dieu, c'est bien suffisant. Et d'ailleurs, quand on a 75 ans, ça n'est jamais pour très longtemps. C'est qui ? Robert Lamoureux. Ouais. J'adore ce texte. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin ? Oui. Oui, bon, moi je sais, oui. Je sais ce que je ferai au moins. Il y a des... Oui, oui. Ah ouais. Ben oui, tu dis que j'étais heureux. Ben oui, ben oui. J'ai traversé ma vie avec bonheur. C'est vrai. Ah ben oui. Est-ce que ça a pris du temps avant que tu sois heureux? Très longtemps. Je suis heureux depuis 2 ans. Alors tu as trouvé ta voix, c'est ça? Je l'ai complétée. En fait, là, je la complète. Ça fait partie de mon cursus. En fait, c'est de travailler avec des gens qui étaient abîmés, que ça t'a donné le... Ben, je me suis dit, oui, toi, regarde-toi à côté. Arrête de te regarder dans le miroir, à s'envelopper. Mais oui. En moi, parce qu'il y en a des pires que toi. Alors, c'était un point... Un gros coup. Ouais. Et ça t'a peut-être même réveillé de ta... Oui, je suis sorti de ma zone de confort, mais très largement, bien entendu. Oui, oui. Et t'en es-tu conscient? Bonjour. Bonjour. T'en viens pas? Oui, juste simplement, tu m'avais dit de venir à Paris ou ici? Ben, on peut aller au Chinon si tu veux. C'est juste pour que j'aille m'asseoir. Oui, au Chinon. Au Chinon. Au Chinon? Ok, oui, oui, je vais arriver dans quelques minutes. Le Sancerre, le Chinon, monsieur connaît quoi des bonnes adresses? Mais oui, c'est pour ça que j'ai marqué ici qui m'avait dit. Ah, il est maigre ton pitou? Comment? Il est maigre? Oh non, ben oui, regarde la. Oh, ben le mien, il est. Non, non, non. Non. Ah, c'est toi qui le motive. Ah bah attends. Bonjour toi. Non, puis je veux pas qu'elle grossisse. Enfin, ok, c'est vrai, c'est une fille. Bah ouais, ah ouais, excuse-moi. Ah ouais. Je sais pas, genre déjà 13 kilos, ça va quoi. T'as raison. Et puis il y a de la force, hein. Oh, oui. Elle est 13 belle. Kilos d'amour, c'est très bien. Ah oui. Voilà. C'est ça. Bon, je vous appelle plus longtemps que vous, je suis chez moi. S'il vous plaît, oui, en plein air. Merci. En plein air. Salut. En terrasse. Attends. C'est ça, c'est le métier qui t'a... Mais t'en qui, toi, là, ton chêne? Ah oui, mais elle, ce qui est incroyable, elle est auteur, compositrice, interprète. Elle s'appelle Rosemary. Oui. Et elle aide ses semblables à monter des concerts. Et elle se place aussi dans des concerts à plusieurs. Dans, oui. Alors, ils sont 3-4 chanteurs, qui ils font des collectifs. Oui, ouais, collectif. Et elle travaille pour les autres. Elle dépense de l'énergie pour elle et beaucoup pour les autres. Et elle a une deuxième vie ou une troisième vie. Elle s'occupe des pitous. Elle prend des chiens qui ont été violentés, qui ont été massacrés. Oui. Elle leur redonne au pitou. Une existence. Exactement. Et après ça, elle s'en est partie et quelqu'un s'en va avec. C'est formidable. Ah oui. Elle est née pour donner. Elle est bien, hein? Mmh. Ah oui. Ah oui, resplendissante. Ouais. Et puis... Rosemary. Oui. Elle fait des belles chansons. Elle est dans un groupe électronique, mais elle fait aussi la chanson piano-voix. Oui. Grande dame. Ouais, que j'ai rencontré à Paris. Oh, ouais. J'enchaîne, moi c'est sûr que j'enchaîne. Oui, ouais, mais c'est ouais, ça. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire de ton été à part travailler de nuit? je prends la chose comme elle vient, carpe diem. Ouais, je ne sais pas faire un projet. Je ne sais pas dire ce que je ferai au mois d'août pendant mes grandes vacances. Mais je suis incapable. Ah, ouais. Incapable. Je ne peux pas. Au-delà d'une semaine, je suis mort. Heureusement, j'ai les plannings professionnels qui font que. Mais je suis incapable, je peux pas te dire. Tout me plaît ou rien. Donc, je verrai. Et tu fais combien d'heures par semaine dans cet endroit pour faire ça? C'est déjà, on ne peut pas faire conventionnel, au-delà de 3 nuits à suivre. Mais c'est déjà 30 heures. Ouais, 30 heures. Et puis voilà, sachant que pour faire. Quand tu fais une nuit, il faut au moins. C'est la valeur de. Il faut deux jours de récupération. Deux jours, ouais, c'est ça. Alors, 3 nuits d'affilée, quand on dort très peu comme moi, normalement, c'est lourd. Parfois, alors, t'en fais 3. Alors, j'en fais 3, mais on peut pas faire plus. Deux nuits de repos, si on veut, et après, tu repars sur une série de 2 nuits. Repos nouveau et 3 nuits. Ok, 2, 3. En intégrant un week-end sur 2. Ok. Hein, voilà. Okay. Donc. C'est convenable, mais ça peut être difficile. Ah oui. Parce que quand même, voilà, c'est pas... Ça sent pas la rose. Ouais. Mais... Tu as été semblable. Oui. Ouais. J'y vais pour un sourire, un regard, un truc gentil. Ouais. Et ça remplace le merci, souvent, parce qu'ils peuvent pas parler, ils sont en difficulté. Ouais. Très peu de paroles, oui. Non, mais la parole des yeux, le regard. Ouais. Et c'est là qu'on commence à être plus sensible. À ne pas attendre le mot, mais juste le geste. Savoir l'interpréter. Ouais. Un clignement de yeux veut dire quoi? C'est dire qu'on approuve ou que cette personne n'est pas contente ou qu'elle est en attente depuis longtemps. Je ne sais pas. Mais c'est bien aussi de... C'est un côté félin qui prend tout de suite le comment dire, qui interprète un geste. Alors, est-ce qu'on l'interprète dans un sens qui nous convient ou pas? Mais on devine sur un clignement d'œil si il est négatif ou positif. Je ne sais pas. Je le ressens tellement. Je suis devenu une éponge. Je suis une pauvre éponge. une éponge qui fait du bien aux autres. Mais c'est bien aussi de rentrer dans une entreprise où on est aimé. Ouais. Parce que c'est une famille. C'est une famille. On est obligé de... Oui, on vit ensemble, mais il y a beaucoup de communication, évidemment. Il y a dans le cadre, automatiquement et professionnellement, il y a ce qu'on appelle les fameuses transmissions, où tout doit se dire. On va même parfois très loin dans l'intimité de certains individus. On déborde aussi parce qu'on amène ça chez soi. Hein. Ah, moi, mais j'ai le temps le matin, je ne suis jamais pressé. Parce que je ne m'endors plus à 7h30 du matin. Alors, tu pars pas avant 7h30, 8h? Oui, c'est ça. J'arrive chez moi à 8h30, voilà. Et puis, là, j'essaie de me coucher. Ouais, parce que tu travailles le lendemain. Alors. Ouais, donc je sais que j'ai passé la journée au lit. Ouais. Peut-être juste pour y dormir 3 heures. Ouais, c'est ça. Je me force à rester au calme. Ouais, je connais ça. Le corps refuse. Ouais. Le corps ne veut pas. Mais non, mais parce que c'est la nuit, c'est fait pour dormir. Oui. Même avec l'habitude, même quand tu es payé pour ça, ouais, le corps il fait la gueule à 2h du matin, tu deviens froid, t'en peux plus. C'est vrai. Tu connais ça? Bah oui, je connais très bien. C'est à ce moment-là qu'il faut donner le plus de soi. On s'arrache. Ouais. Et puis, mais le temps du repos arrive, et puis, je dis genre 2h, tant pis, c'est ce que j'ai pu prendre, moi, déjà, c'est ça. Ouais, c'est pas. C'est pour ça qu'on vieillit vite. Hein. Ouais, effectivement. On a des horaires contrariés. Ouais. Enfin, merci d'être passé, Didier. Merci d'avoir rappelé que j'existais. Que nous sommes de bons vieux amis, après tout. Oui. On se voit sur Facebook, on s'envoie des petits messages quelquefois. On souhaite un joyeux anniversaire, des trucs comme ça. Ouais. On ne se lâche pas. On ne se lâche pas. Non. Un signe, bah, c'est déjà énorme. Et tu. Là, tu vas monter tout ça. Non, tu vas. Ouais, tu peux ça au courant de printemps. Non, c'est automne, automne, hiver et printemps. Et je te dirai à quel moment. Je t'envoie ça dans 2-3 semaines. T'es mignon. Et je vais avoir l'horaire. Ouais. Et ça va faire facilement un bon mois avec la chanson française qu'on a passée avec Trenet, toutes ces belles chansons qui. Fréhel aussi, la Java. Ah. Voilà, toutes ces. La bombe catch-catch. Dis-moi, tu. Ton passeport, alors tu t'en vas pas? Ben, je peux changer d'idée, mais pour le moment, ça fait 2 ans que je me dis que je renouvelle pas. C'est quand tu me. Voilà, moi, j'ai les femmes font peur. Et quand tu me dis, c'est. 2024. C'est fini Paris, je viendrai plus. Ouais. Voir, ça m'a. Ouais. Mais c'est vrai. On m'a pris la mort d'un ami, quoi, tu vois. Ouais, mais 2024, c'est encore 2 ans. Puis comme je viens ici au mois de juillet, puis normalement au mois de février, dépendant de ce que le gouvernement décide pour nous. On est des esclaves, on n'est pas libre. La liberté n'existe pas. Là, on l'a appris, hein, que c'était le foutage de nous faire croire être libre. La liberté, c'est vraiment de pouvoir faire ce que l'on veut avec qui on veut. Oui, mais avec la vie, avec. Oui, c'est tout. C'est liberté. Oui. Mais c'est une pseudo-liberté. Mais on est toujours dans un cadre. Oui, mais là, on s'en est rendu compte et on me l'a oblitéré dans le front. Ah oui. Et moi, je le savais déjà, mais juste le fait de nous l'interdire, là, ça m'a prouvé que c'était. Réel. Que nous sommes. Nous sommes sous surveillance permanente. Oui, et c'est le gouvernement qui nous. On est encadrant. Voilà, on est. Ouais. Alors, quand on vote, on vote pour la personne qui va nous dominer. Oui, on choisit pour le mal dominant, l'alpha. Qui sera mon alpha. Puis surtout quand on vote pour le moins pire des cinglés. Ah oui. Oui, c'est le cas chez nous. Hein. Bah, chez nous aussi, c'est partout. C'est planétaire. Oui. C'est planétaire. Oui, enfin. Ah oui. On parle bien des démocraties. Avec la guerre actuelle, c'est non, c'est on ça. Parle pas. C'est ça. Monstrueux. C'est ça. Bon, on va arrêter. Parce que je vais dire des gros mots, je vais en insulter quelques-uns. Ah oui, puis surtout que c'est la fin de notre rencontre. Donc finissons cette belle discussion. Oui. Tu vois, ça c'est une bonne fin. Oui. Voilà. Et voilà. Merci Didier, c'était vraiment sympathique. Tu coupes tes micros? Oh, ouais, tu veux que j'aille. Oui, oui, oui. Non, mais... Il y a des gestes qui accompagnent le mot fin, tu vois. Oui. Et monsieur, une cigarette, une cibis, ça n'engage à rien. S'il te plaît, on fera la causette. T'es gentil, t'as l'air d'un bon chien. Et tu serais moche, ce serait la même chose. Je te dirais quand même que t'es beau. Et pour avoir tant de vie, n'est pas la cause. Ce que je te demande, une pipe à mégot. Non, pas d'anglais, et ni de bout doré. Et c'est ta balade. C'est du chiquet, du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule. C'est fort, c'est âcre comme du bois, ça vous saoule. C'est bon et ça vous laisse un goût presque louche, de sang, d'amour et de dégoût dans la bouche. Monsieur le docteur, c'est grave ma blessure. Oui, je comprends, il n'y a plus d'espoir. Le coupable, j'en sais rien, je vous le jure.